fuck le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai, c'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en jaillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les kouma. Laissez-les parler. Laissez-les kouma. Laissez-les kouma. Laissez-les parler. Laissez-les kouma. Laissez-les kouma. Laissez-les parler. Laissez-les kouma. Laissez-les kouma. Laissez-les parler. Laissez-les kouma. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde bouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. J'espère que tout le monde va bien. C'est la Happy Hour qui commence et Carlo qui a réussi à ouvrir la porte. Ouais, ouais. Non, il faut quand même que je vous explique un truc. Carlo, des infos, a galéré là il y a un instant. Et j'avoue qu'on l'a laissé un petit peu galérer. Mais on a des nouveaux chambrants. On est d'accord, Carlo, que c'est de la merde, hein. C'est de la merde. Tu m'étonnes. Franchement, c'est pas possible, hein. Si vous êtes menuisier, serrurier, peu importe, venez chez Plombier. Fun Radio. Oui, bah, enfin, franchement, sérieux, c'est comme une épreuve de Koh-Lanta, sérieux, de rentrer dans le studio. On a une espèce de poignée, mais vous savez, de l'époque qu'on doit tourner. Mais genre, il faut un triple muscle, quoi. Ouais, mais ce qui est bien, c'est de pouvoir rentrer aussi pour faire l'émission. Par exemple, Carlo, s'il n'était pas rentré, il n'y a pas d'infos. Ah ouais, ça c'est vrai. Bon, tout le monde va bien sinon? Super bien. Tout le monde a réussi à rentrer dans le studio et ça c'est beau. Sandro a passé une bonne après-midi. Une bonne après-midi, telle une épreuve de Fort Boyard. Nous sommes rentrés dans ce studio et je vous remercie les amis, merci. Magnifique, applaudissements. On a aussi Kéké et Allison qui sont au standard. Ouais. Salut. Vous allez bien? Très bien. Oui. Vous êtes au taquet? Ouais. C'est parfait. Fab aussi qui est là? Moi je souffre, Audrey. Je souffre. Oh, ça y est, qu'est-ce qu'il a encore? La chaleur. Ah bah oui. La chaleur, je souffre de la chaleur. Tu m'étonnes. J'ai combien de degrés il fait là, les copains? 44. Ouais, ça va, arrêtez d'exagérer. Une trentaine de degrés. C'est pas possible. Et il paraît qu'on a rebattu le record du monde. Ah bah, du monde qui compte. Le mec qui s'emballe un peu. Des températures. Bon, en tout cas, bon courage à tous ceux qui galèrent là avec les températures. On prendra des nouvelles de la météo tout à l'heure avec Carlo. Il y aura du cadeau dans cette émission. Et puis surtout, on va commencer l'émission, la Happy Hour, dans quelques petites minutes avec quelque chose de bien précis. Le défi de trop, si vous ne l'avez jamais entendu sur Fun Radio, il sera question de record du monde. Il sera question de « on va vous arracher la gueule ». Il sera question de piment. Je n'en dis pas plus, ça arrivera après les infos, restez bien là. Fun. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Est-ce que tout le monde va bien là de l'autre côté de la radio? On prend des nouvelles, allez-y, hein. On attend vos petits messages, 30 44 pour 50 centimes l'envoi. On va tous les lire, ça sera juste après. Eh bien, les infos maintenant, et c'est avec Carlo. Bonjour Carlo. Hello André, ça va tous. Du changement en perspective en ce qui concerne le montant des indemnités de maladie. La ministre des Affaires Sociales, Maggie Debloc, envisage de revoir le mode de calcul de ces indemnités. Il s'agit, dit-elle, de simplifier et d'harmoniser un système un petit peu trop complexe. Mais si on lit entre les lignes et si on examine projet de plus près, on se rend compte qu'il va surtout s'agir de faire des économies avec des allocs qui vont globalement en diminuer, mais dans certains cas les indemnités devraient augmenter. La guerre lancée par les États-Unis et leurs alliés en Irak en 2003 l'a été, on le sait, pour de mauvaises raisons, puisque le régime de Saddam Hussein ne possédait pas la moindre arme de destruction massive, contrairement à ce que prétendaient les autorités US. Résultat, ben aujourd'hui, c'est le chaos qui règne dans ce pays, qui a notamment permis à Daesh de se développer. Eh bien, en Libye, c'est kiff-kiff. Hein, dans un rapport qui vient d'être publié, des parlementaires britanniques critiquent sévèrement l'intervention militaire destinée à dégommer Kadhafi. Intervention basée sur des postulats erronés, voilà ce qu'on peut dire dans le rapport. Le gouvernement, je cite, « n'a pas pu vérifier la menace réelle que le régime de Kadhafi faisait peser sur les civils et il a échoué à identifier les factions islamistes radicales au sein de la rébellion ». Fin de citation. Et le fait, aujourd'hui, en Libye, c'est le chaos qui règne, ce qui a notamment permis à Daesh de se développer. Concernant Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle US, on peut lui reprocher beaucoup de choses, et même un peu plus que ça, mais au moins ce n'est pas lui qui ferait le même genre de conneries que les Bush, Blair ou autres Cameron, hein, vu qu'il n'a pas l'intention de se mêler des affaires des autres. Mais si je vous parle ici du fantasque magnat de l'immobilier, c'est parce que l'État de New York vient d'ouvrir une enquête sur une fondation caritative qui lui appartient. Il est question de diverses irrégularités, notamment vis-à-vis du fisc. Ouais, on sait que le talon d'Achille d'Hillary Clinton, c'est sa santé. Bah, celui de Trump, c'est l'argent et les magouilles dont il est soupçonné. À noter que le procureur général de New York est un démocrate qui soutient Hillary Clinton, mais il jure, la main sur le cœur, que son action n'est pas motivée politiquement. En football, le club rougeau accueille Leicester, le champion d'Angleterre, ce soir. Premier match de sa saison en Champions League. Les deux clubs ayant comme point commun d'avoir très mal entamé leur championnat respectif. Mais cette Champions League, c'est hier soir en fait qu'elle a débuté en fanfare pour le Bayern de Munich, victorieux 5-0 de Rostov. Et surtout pour Barcelone qui a humilié le Celtic de Glasgow, 7 buts à rien. L'Atlético Madrid, lui, n'a inscrit qu'un seul goal hier. Mais ça lui a suffi pour prendre les 3 points au PSV. Naples, avec notre Dries Mertens national, est allé gagner 1-2 au Dynamo Kiev. Le PSG fait match nul à domicile, 1-1 contre Arsenal. Enfin, le match Manchester City-Borussia Mönchengladbach a été reporté à ce soir à cause de la pluie qui s'est abattue hier à Manchester. Vous me direz que de la pluie en Angleterre, c'est plutôt banal. Mais là, c'était un peu too much, hein, comme on dit dans ce pays. Le terrain était franchement impraticable. Fun Radio. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Dans quelques petites minutes sur Fun Radio, on va faire un truc. On va goûter le piment le plus fort au monde. Hein? J'ai réussi à m'en procurer. Alors, on va faire un truc. Non. C'est vous de l'autre côté de la radio qui choisissez. Eh bien, qui va goûter ce piment? Qui de Sandro, Kéké ou Fab? 30-44 pour vos messages. C'est vous qui votez. On se fait ça juste après la météo. Bah, je veux juste savoir un truc. Il est de quelle origine le piment hongrois? J'en sais rien, mais en tout cas, sur l'échelle des piments, il est classé à 9 sur 10. Ça te donne une idée, Carlo? Ouais. Ce sera quelqu'un d'autre que moi. Alors, la météo demain, moins 30 degrés, ça c'est une bonne nouvelle pour Fabrice, notamment, pour moi aussi d'ailleurs, parce que je ne supporte pas les grosses chaleurs. Il fera quand même encore assez chaud, hein, 27-28 degrés, avec pas mal de soleil. Prochain rendez-vous info dans une heure, je vous laisse en compagnie de Dre et du son de Ken Jones. Salut. Fun. Fun Radio. Pendant les portes ouvertes Volkswagen jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme. Rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur Volkswagen.be. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Telling me this, and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her. But she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. Bon après-midi sur Fun. La suite, c'est avec Kungs. Que ça se passe? Don't you know? Il y aura aussi Yal, côté son Netflix. Mais d'abord, trembler, c'est le défi de trop sur Fun Radio. Il y a ceux qui cherchent des solutions à de vrais problèmes. Eux se demandent encore comment on fait ses lacets avec des moufles. Est-ce que vous avez vu l'info passée concernant le piment le plus fort du monde? Oui, pas du tout. Ah là là, je vous explique vite fait. Il y a deux jeunes filles aux États-Unis qui sont lancées un défi, qui ont décidé de goûter ce fameux piment qui, sur l'échelle des piments, quand même, est classé à 9 sur 10. Il est mortel. Donc, ouais, limite, c'est quand même assez fort. Et ben en fait, les deux jeunes femmes, elles ont goûté le piment. Il y en a une qui a vomi. Il y en a une autre qui s'évanouit. C'est pour dire à quel c'est point sympa. Ce piment est super fort. Ils disent même que c'est 30 fois plus fort que le tabasco. Vous avez déjà mangé du tabasco dans l'équipe ou pas? Moi j'aime pas le goût. J'aime bien quand c'est piquant, mais le goût du tabasco. Oh, mais attends, déjà rien que le piquant du tabasco, t'as envie de crever. C'est déjà super méga fort. Mais donc imagine ça. Imaginez-vous de l'autre côté de la radio, 30 fois plus fort que le tabasco. J'ai réussi à me procurer ces fameux piments. J'ai dû les commander sur internet. Ils sont arrivés par la poste. Ils sont là en entier. Ils viennent de où? Ils viennent de ton cul. Donc ça pique alors. Il faut toujours les conserver dans un endroit frais. Non, je rigole, ils viennent des États-Unis. Donc on m'a envoyé tout ça, j'ai les petits piments qui sont là sous les yeux. Vous les voyez, regardez, de toute beauté. Le piment est rouge, c'est une jolie couleur, non? Ah bah si, non, ça vient pas du Mexique. Ah bah c'est la famille, bah, c'est parti. On va se faire le défi trop, vous savez qu'on aime bien se lancer un peu des défis dans l'émission. Alors peut-être qu'il y en a un qui va vomir, il y en a un autre qui va s'évanouir. On n'en sait rien. Alors j'ai vu un message, parce que je vous ai demandé de choisir qui dans l'équipe allait devoir le manger. Il y a réclamation là, on me dit pourquoi c'est pas Audrey qui goûte. Exactement. Alors, oui, bah c'est vrai, oui. Pourquoi? Comme les auditeurs sont les chefs de l'émission, je m'inclus dans le bazar. Donc ok, vous choisissez qui de moi, Audrey, Fab, Kevin ou Sandro va devoir goûter le piment. Vous envoyez votre petit message au 3044, c'est vous qui décidez de l'autre côté de la radio. Moi je veux rien dire, mais voilà, juste pour les auditeurs, souvenez-vous qu'à cause d'Audrey, moi j'ai été tatoué, on m'a percé l'oreille. Non, bah on m'a mis le mica dans le studio. Mais attends, Fab, justement, enfin, voilà, tu vas pouvoir montrer que tu résistes à toutes les épreuves, que t'es un véritable homme, tu vois, avec ça des poils partout. Non, manipulatif. Allez-y, envoyez votre message, oui, envoyez Fab par SMS au 3044, on se fait ça juste après Kung sur Fun. Then maintenant. I'm gonna ride. Exclusive version for Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Come here and visit my world. Come here and visit my world. It has three shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me, Fun Radio. Visit my world, it has three shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me, Fun Radio. Dance with me one more time. Dance with me, Fun Radio. Dance with me, Fun Radio. La suite du son des floors, c'est avec Maître Gims que ça se passe, ma beauté. Il y aura aussi Mike Perry, ça c'est tout nouveau. Vous allez peut-être l'entendre pour la première fois dans quelques minutes sur Fun Radio. Je vous ai demandé de voter là par SMS au 3044 et de choisir qui dans l'équipe entre Sandro, mais Fab, le kéké du Sandar ou moi allait devoir manger le piment le plus fort du monde. Eh bien c'est Fab. C'est Fab qui va goûter le c'est piment. Toi Ah, mais c'est chouette, c'est encore moi qu'on a choisi. Non, allez, je peux pas mentir, c'est pas vrai. En fait, tous les auditeurs ont voté pour que ce soit moi. Ah ouais. Mais non, il y en a quand même un qui a dit, moi je vote pour que le massacre de Fab continue. Oui, alors je vais te retrouver et je vais te tuer si je te retrouve, voilà. On peut dire que par exemple, ce SMS, ça vaut au moins pour 100 SMS. Alors comme ça, ça veut dire mais que c'est toi. Mais tu sais que j'ai limite mal au cœur de te le faire laisse manger. Laisse tomber, quoi, j'aime pas déjà les trucs qui piquent. Mais tu manges pas épicé ? Non, je déteste ça jamais de ma vie, c'est pas possible. On a Anthony qui vient de Binge qui est là, qui a voté pour moi. Enfoiré. Ça va, Anthony ? Ça va, et vous l'équipe? Mais non, ça va pas. Bah nous aussi ça va. Faut non, moi c'est pas, ça va, gros, si, ça va. Tranquillement. Attends, mais qu'est-ce que je t'ai fait, Anthony? Moi je suis là et tout, j'anime l'émission, je vous file des cadeaux tout le temps et puis bam, tu veux me faire souffrir. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Bah parce que t'es méchante avec les garçons. Ils écoutent tous les jours. Eh, hey, tu rigoles? Et moi, t'as pas vu tout ce qu'ils me font subir? Pardon? Et t'as vu ce qu'on nous a fait? C'est pour te taquiner. Ah ben moi, t'es méchante avec eux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Attends, Fab, il arrête pas d'en prendre plein la tronche. Merci. Exactement. Bon, là, apparemment, il me faudrait une auditrice. Hein. Si quelqu'un, si une fille écoute l'émission, si elle veut bien me défendre, 3044, tu m'envoies un message, je te prends dans l'émission directe. C'est pas possible, un truc pareil. Bon, Anthony, c'est pas grave, hein, je vais le faire. Ouais. Je vais te montrer que moi, je suis une vraie, que j'ai peur de rien. Allez, muchachos. Voilà. Bim, ah ben, montre que t'es une guerrière, alors. Ouh. Donc, le piment, je rappelle pour ceux qui viennent de se brancher, quand même classé 9 sur 10 au niveau du piquant. J'ai peur pour toi, quand même. Hein. C'est 30 fois plus fort que le tabasco. Pense à tous ces Mexicains qui mangent ça comme du pain, comme, comme du Nutella. Allez. J'ai trop peur, tu sais quoi, j'ai des frissons partout. Mais oublie pas de croquer parce qu'il paraît que quand tu croques, c'est encore plus intense. Oh, laisse. Ah, il faut botter mal, alors je vais le gober, moi j'en ai rien à la foutre. Ah, hein. Tu gobes. Non, mais fais comme si c'était une glace, suce-le, tu vas voir, c'est pas grave. Oh. Non, non, c'est pas grave, vous faites les malins. Allez. Anthony est là, bam bam, il fait la tchatch et tout, c'est pas grave, j'y vais. 3. Allez, vas-y. Le truc vert, faut pas le manger. Tais-toi, je suis tendu. Ok, laisse-moi tranquille. T'es tendu, hein. Je suis tendu comme. T'es tendu, hein. T'es tendu comme une crampe, là. Et je te jure, j'ai des frissons. Il est tout petit en plus. Non, il est pas petit, il est très grand. Il est tout rouge. Il est rouge, mais il est tellement rouge que ça va m'arracher. Parce que moi, j'ai un truc de cette taille-là, on me dit souvent que c'est petit. Bon, allez, j'y vais. On n'a pas toute l'émission. Hein. Allez, fous-moi la paix. Hein. Allez, commence pas à mettre la pression, toi. Elle a pas l'habitude. Attends, taisez-vous, arrêtez. Allez, vas-y, c'est bon. 1, 2. Ah, oh. Je sais pas si on a entendu de l'autre côté de la radio. Ça va? J'aime bien, elle devient toute rouge. Elle pleure. Ça va? C'est quoi cette couleur après le rouge? C'est le mot violet. Oh merde. Pour une fois t'étais maquillée. Ça coule de partout. Mauvaise nouvelle, la toilette est bouchée en haut. Je vais crever, non, je vais crever. Non, mais avale. Il faut avaler, vrai. Avale. Au plus tu gardes longtemps en bouche, au plus. Et puis ça pique, je veux vomir. Pas ici. Elle est partie. Mais reviens. Il y a une émission. Ça y est. Bon, on a perdu Audrey, c'est pas grave. Anthony, tu viens de nous tuer, Audrey. Bravo, c'est cool. Ouais, mais faut qu'elle boive de l'eau, ça ira mieux. Non, mais attends, on lui a pas dit ça. On attend qu'elle revienne. Il paraît que c'est du pain. Allez, fermez la porte. Elle revient plus, hein. Alors, non, je pense qu'elle vomit. Elle vomit, oui. Mais là, je pense qu'elle va manger le papier toilette avec et tout. Allez, merci beaucoup, Anthony. Bougez pas, on se fait Mike Perry. Puis Maître Gim, c'est peut-être Audrey qui va revenir. Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule. Ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02 851 4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son Dance Floor. Ah bah tiens, si tu prends la prochaine sortie, il y a des ralentissements. On en a pour au moins 3 heures. Oui, super, bonne idée ça. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa ? Oui ? Je peux prendre ta carte ? Non. Vous avez entre 18 et 28 ans ? Découvrez notre offre Hello4You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Jupiler clôture le Festival National avec une ultime after-party. Le Festival Grand Final. Le 24 septembre, à l'ancienne Belgique, avec un show live des Van Jets. Tentez de remporter un duo ticket à l'achat de Jupiler. Infos et conditions sur jupiler.be. Une bière se déguste avec sagesse. Cette semaine, chez Lidl, une bouteille d'Ariel liquide, plus une bouteille gratuite. Soit 9,79€ les deux bouteilles. Faites des provisions maintenant, parce que quand vos enfants déposeront leur linge sale après une semaine en côte, vous en aurez bien besoin. Lidl, pour tout ce qui compte. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît ? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson.

possible quoi. On a reçu des petits messages au 3044. On me dit, ah, il fallait faire ça en live sur Facebook. Merde, on n'y a pas pensé. Ah oui, c'est vrai. On recommence. Bois de la Maréto. Non, non, non. Je le jure. Bah, y a tous les auditeurs qui écoutent l'émission là. Je le jure. Je vous jure que plus jamais j'aurai une idée à la comparer. Plus jamais je ferai yes, ça de ma elle vie. A compris enfin. J'arrive plus à parler. Sérieusement, ça me brûle. Il y a ma lèvre. Elles ont grossi ou pas? Elles ont ah, oui, un peu ah, ou pas ah, franchement, oui, dis oui, la vérité. Non, non, mais tes lèvres, on dirait. Non, termine pas ta phrase. Mais ce que j'aime bien, c'est les solutions après, pendant la pub, c'est bon, qu'est-ce que je dois faire? Du pain. Bon, on n'a pas de pain, de l'eau. Non, j'ai c'est mangé mauvais. De la glace, j'ai mangé une glace, ça n'a pas marché. J'ai bu de l'eau, ça n'a pas fonctionné. Non, mais j'ai même mieux. Évité à mettre ma tête dans le pot des chiottes. J'ai mis, mais, ma, j'ai non, mis fais, ma tête devant les recodes. Fais pas ça, avec ta bouche, tu vas rester coincé dans le pot. Non, mais c'est, on pourrait défricher des toilettes. C'est vraiment un enfoiré, quoi. On a Cédric qui est là, qui vient de quoi? De Virginal. C'est quoi, c'est encore comme ville? De Virginal. Qui est du standard, c'est quoi ouais. Ces écritures, c'est quoi Virginal. Cette Virginal, donc ouais. Ça existe. Bonjour Cédric. Oui, bonjour Audrey. Bon Cédric, première question, c'est où Virginal? Tout près de Ytre, Nivelles. Hein ah bon c'est pas et, loin en plus. Et deuxième question, comment on appelle les habitants? Les puceaux ou les... Comment non, non. Comment on les appelle? C'est Vesnou, on dit. Vesnou, okay. Mais tu es en Inde ou comment ça se passe? Tu connais Krishna? Non, d'accord. Bon, Cédric, je dois aussi te remercier d'avoir voté pour moi pour que je bouffe ce satané piment. Hein? Merci, c'est gentil, ah, ça fait oui. Plaisir. Bon, ah, hey, bah, écoute, tant que t'es là, tu pourrais peut-être m'aider un peu, Cédric. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que ça arrête de piquer? Parce qu'à un moment donné, là, il va falloir trouver une solution. Ça va pas être possible. Ou j'arrête l'émission, ah. Vous continuez tout seul, hein. Mais comment je peux faire, Céd? Non, tu dois rester. Sinon, si tu restes pas avec qui, on va rigoler, alors. Ah, c'est ça. Ah, bah, tout de suite. Nous, on est là pour... Genre, non, vous merci, voulez hein. Fracasser Audrey, mais il faut quand même qu'elle reste. Oui, c'est ça. Mais quand même, la patronne, c'est quand même Audrey, non? Ouais. T'en bats le patron. Ouais, c'est la bosse. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Cédric? La patronne, c'est Audrey. Là, je t'imagine. Avec une cuissarde et un fouet, je sais pas pourquoi, tiens. Qui veut oui. Oh, tu parles allemand? Ah, j'ai regardé le trailer de 50 nuances plus sombres, là je peux te dire, j'ai des idées. Hein. Ouais. Si tu veux, je peux te faire des trucs chelous. Oh, quand même, mettre des pinces à linge, on va s'éclater. Avec des pinces à linge? Ouais, je te montrerai, ma chérie. Oh, cool, je vais apprendre des nouveaux trucs. Bon, mon Cédric, sinon, donc pas d'idées, quoi. Je souffre en silence, c'est ça le projet? Si, non. Boire un bon petit verre, tu les laisses là, tu vas boire un bon petit verre. Un bon petit verre. Et ça, c'est parfait ouais. D'ailleurs. Et attends, Céd, on me dit par SMS au 3044 qu'il faut boire de l'amaretto. C'est une vanne? De l'amaretto. Non, avec deux glaçons, une rondelle dans. Eh bah, qu'on aille me chercher de l'amaretto alors, enfin, c'est une vanne. Bon, Cédric, merci beaucoup d'être passé à l'antenne. Tu reviens quand tu veux, d'accord? Ben voilà, un tout grand merci en tout cas de vous avoir. Et au moins, on rigole bien avec vous et tout ça. Oh, et... c'est trop mignon. Voilà. Merci, Cédric, c'est vraiment gentil. Vive voilà. Fun, et ça c'est beau ça. Salut mon Cédric, bisous. Et on me dit, moi je dis maintenant, c'est les autres qui devraient le faire. Ah bah ouais, ça c'est vrai, c'est une bonne idée. Non mais on non. A vu ce que ça faisait, c'est bon. C'est bon, t'inquiète. Je vais réfléchir quand même. Dans quelques petites minutes, on aura un invité aussi dans cette émission. C'est JB qui sera avec nous, un humoriste top cool, c'est un peu quelqu'un de la famille. On va l'accueillir, ce sera juste après Major Lazer sur Fun. Check it out. Fun Radio présente Dimitri Vegas and Like Mike Bringing the Madness. Fun Radio. Les vendredis 16, samedi 17, jeudi 22 et vendredi 23 décembre au Sport Palace d'Anvers. Salut, c'est Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun Radio. Éclatez-vous avec les DJ belges numéro 1 au monde. Dimitri Vegas et Like Mike à Anvers pour 4 dates exclusives. Info et tickets sur livenation.be. DJ Star Fun Radio, Dimitri Vegas and Like Mike au Sport Palace d'Anvers. C'est avec Fun Radio. The radio of Dimitri Vegas and Like Mike is Fun Radio. Le son dance floor. Excusez-moi, la Peugeot 308 là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique et elle a aussi l'air cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Oui. En septembre chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Au cinéma, il y a ceux qui aiment les films de guerre, avec des héros qui tuent la moitié des méchants. Ou encore ceux qui aiment les comédies, parce qu'ils sont morts de rire la moitié du temps. ou ceux qui aiment la science-fiction, avec des extraterrestres qui en veulent à la moitié l'univers. Parce que vous aimez le cinéma, et pas qu'à moitié, faites le plein de films au BNP Paribas Fortis Film Days. Du dimanche 25 au mercredi 28 septembre inclus, 4 jours full cinéma et chaque ticket à moitié prix. À ce tarif-là, tout le monde y va. L'Happy Hour sur Fun Radio. Du lundi au vendredi, 17h-20h. La seule émission qui te donne envie de rire, même s'il ne te reste qu'une seule dent en bouche. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Ce joli petit bruit que vous venez d'entendre, c'est Fab qui débute la radio, on dirait. Non, mais ça va, le gars, il vient de s'installer en studio. Il est là, vas-y, moi je déménage tout, je bouge le micro. Mais c'est de ma faute, il n'y a pas d'huile dans les micros. S'il vous plaît, quoi. La suite du son, c'est avec Alan Walker que ça se passe. On a JB qui est arrivé aussi dans l'émission. JB, c'est notre invité aujourd'hui. Ça va, JB? Ouais. je m'applaudis tout seul. Attends, tu veux qu'on la refasse, mais vraiment, genre, tu vois, vrai invité, quoi. Tu vois, genre. Vas-y, ça attention. Va. Et là, on a JB dans l'émission de la Happy Hour. Ouais. JB, bienvenue sur Fun Radio. Alors JB, si vous le connaissez pas, c'est un humoriste. Enfin, il fait tout en fait. Il est humoriste, il est comédien, il écrit, il fait des voix, il fait des personnages. Bref, franchement, il est super méga drôle. Et le truc qui est cool, c'est qu'il est en visite chez nous à Bruxelles, du côté du Cooks Théâtre. Voilà, donc on va en parler hein, tout à l'heure. JB, tu restes avec nous. Avant ça, on a c'est Zoubaïr qui vient de Bruxelles, qui a une petite une petite réclamation à me faire. Enfin, genre, il a un truc pour moi pour que ça arrête de piquer dans la bouche. Salut Zoubaïr, ça va? Salut Audrey, comment va? Eh bah écoute, oh non, Zumba. Zumba. Non, je crois qu'il n'y a pas de M à Zoubaïr. Ah non, vas-y, c'est drôle. Désolé. Hein. Bon, Zoubaïr, qu'est-ce que je peux faire pour que ça arrête de piquer? Bah écoute, étant d'origine tunisienne, donc comme je mange beaucoup d'harissa, j'ai trouvé un truc pour calmer les douleurs. Hein. C'est simple, c'est ou bien quelque chose de gras comme du lait, mais produit laitier mais gras. Gras. Du lait de vache. Ou du camembert par exemple. Camembert. Et du lait de femme. Ou un yaourt. Et du lait de femme, c'est possible ou pas? Ah, moi je suis gras, je peux te donner du lait si tu veux. Attends, tu veux que je bouffe un camembert? Tu crois pas que j'ai assez souffert dans ma life? Non mais attends. Allez, Marco. Camembert. Un yaourt, hein. Et si je mange un bon gros paquet de frites une fois, ça marche pas ça? Ça peut marcher aussi. Ah bah voilà, bah alors on va commander des frites. En fait, la matière grasse, en fait, c'est le gras qui apaise la sensation de piquant en fait. Ah bah Audrey, suce ton pouce, il faut du gras. Ça c'est petit ça. Ça c'est petit, ça c'est vraiment petit. C'est vraiment petit quoi. Non mais vraiment c'est pas cool. Zoubaïr, merci beaucoup pour ton petit conseil. Je te fais des gros bisous et bon, merci pour le camembert, mais t'es d'accord, je vais pas trop le manger quand même. Zoubaïr, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. On me dit Audrey, tu dois boire un grand verre de lait pour calmer la douleur du piment. Il y a que le lait qui peut calmer la douleur. Bon. D'accord. Et bien voilà, je vais donc chercher une vache ou un gros paquet de frites. On va essayer de trouver le truc. Bon, JB, comment ça se passe pour toi pour le moment? Alors, t'es ici en Belgique pour ton spectacle. Enfin, un spectacle, c'est un one-man show. Un père presque parfait. Ah bah oui, on vient Monsieur pas en Belgique par plaisir, je veux dire. Comment ça? Alors, tu n'es pas en terrain conquis ici, hein? On va bien se calmer. Qu'est-ce que t'as contre les Belges? Mais rien, mais non, mais bon. Ah, ça y est, voilà. Monsieur est français, alors. Grande gueule, hein? Bon, français, grande gueule. Alors. C'est ça. Bon, alors, ça te vient d'où l'idée de faire un one-man show sur le fait d'être papa? Voilà. Globalement. Un truc complètement dingue, c'est que je viens d'être papa. Mais en fait. Non! Mais où? Mais le mec, mais où va-t-il chercher tout ça, quoi? Quelle inspiration! Et quoi, ta vie, elle a changé vraiment ou pas? Parce qu'on dit souvent, dès que t'es un gosse, c'est fini, hein? Alors, c'est pareil. Tu changes, tu dors la nuit, tout va bien. C'est ça. T'as un enfant, ça. Ah, bah, ouais. Voilà. Non mais sérieux, ça blague à part, ça change un peu quand même. Ah bah ça change tout, ouais, complètement. Et au bout de sa life, en fait, non mais sérieux, je voulais justement parler, c'est que ça va pas du tout. Mais tu déconnes, mais j'ai fait un spectacle pour ça, pour partir en tournée, pour fuir ma famille. Mais non. Mais je te jure. Non, mais à la radio, de toute façon, personne n'écoute, donc je peux le dire. On fait un big up à ta femme, hein, qui doit être à l'écoute de l'émission. Elle comprend rien, les Vietnamiennes, elles parlent pas anglais. Non, c'est vrai. Demande à Sandro, il sait. Ouais, ouais. Tu l'as acheté ici ou là-bas? Non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible, je l'ai acheté là-bas. Femme. D'accord. Et pour ceux qui viennent de se brancher sur Fun, qui connaissent peut-être pas JB, faut savoir que évidemment là il est en one man show, mais aussi ton truc, et alors vous l'avez peut-être entendu à l'époque sur Fun Radio, mais ta spécialité quand même aussi c'est les personnages, ça ouais. C'est énorme, il arrive à faire des voix de fou par exemple le... Ah ben c'est quoi, à faire un truc, tu vas annoncer le prochain titre qui arrive sur Fun Radio avec la voix de Abraham, le grand-père de Bart dans les Simpsons, vas-y c'est à toi. Et salut à tous, et tout de suite on va écouter Sing Me to Sleep de Alan Walker. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Sing me to sleep now. Sing

Vous éclatez avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio grâce à Fun Radio. Double Fun. J'ai comme l'impression que c'est le double fun là qui vient de tomber sur Fun Radio. Eh ben ouais, on a Florence qui est là qui vient de Tubize. Bonjour Florence. Bonjour. Eh Florence, qu'est-ce que tu viens d'entendre là, l'antenne de Fun Radio? Le double fun. Eh ouais, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a moyen de gagner des places pour David Guetta. Eh bah peut-être bien, ouais. Eh bah c'est gagné, Florence. Ouais, ouais. Félicitations, Florence. Tu repars avec tes deux places pour aller voir David Guetta à l'Arena d'Asselt. Ça te fait plaisir? Ah oui, super. T'es une grande fan de David Guetta? Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Bon, franchement, ouais. Je suppose que ce serait juste le kiff de pouvoir le rencontrer en plus de pouvoir aller le voir à son concert, là. Ouais, ça serait génial. Eh bah tu sais quoi, reste bien à l'écoute de Fun Radio puisque vendredi, moi je ferai un grand tirage au sort parmi tous ceux qui ont remporté leur place et peut-être que tu seras la grande gagnante, que tu vas avoir la chance de rencontrer David Guetta. Donc un petit conseil, tu restes bien branché sur Fun Radio toute l'après-midi, d'accord? Ok, je te fais des gros bisous Florence. Encore bravo. Si vous aussi voulez repartir avec vos places pour aller voir David Guetta, bah c'est possible, hein, il suffit de s'inscrire. Vous envoyez concert par SMS au 6322. Fun Radio. Fun. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. JP est notre invité là dans l'émission dans la POR. On va continuer à parler de son spectacle là, puisqu'il est chez nous en Belgique pour deux dates au Cooks. On fera ça juste après les infos et c'est avec Carlo. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Je ne sais pas quand le RER bruxellois verra le jour. Hein. Je ne sais même pas s'il verra le jour. En fait, par contre, le métro bruxellois lui va compter une nouvelle ligne de 5 km et 7 stations supplémentaires à l'horizon 2025. On va en fait étendre la ligne nord-sud depuis la gare du Nord jusqu'à Bordeaux. Les permis devraient être obtenus l'an prochain et les travaux sont censés commencer en 2019. Et alors, ces promis, les riverains seront consultés. Notez que c'est justement parce qu'on y pense, hein, aux riverains, que cette extension du métro aura lieu. Et ce fait que dans les années qui viennent, les quartiers du nord de la ville vont connaître une forte croissance de leur population. Des quartiers qui ne sont pas très bien desservis par les transports en commun. Shimon Peres, l'ancien président israélien et prix Nobel de la paix, dans un état critique après un accident vasculaire cérébral majeur, mais ses chances de survie sont plutôt bonnes, voilà ce qu'a affirmé son médecin personnel en tout cas. C'est-à-dire Shimon Peres a quand même 93 ans, hein. On lui sait très bien un prompt rétablissement, mais à cet âge-là, il ne faut pas s'attendre à un miracle non plus. C'est-à-dire à propos d'un vieux dirigeant ayant de gros problèmes de santé, ben on peut vraiment parler d'acharnement thérapeutique à propos du roi de Thaïlande, 88 ans, hospitalisé depuis 2 ans et qui vient encore d'être victime d'une infection du sang. Bhumibol Adulyadej, c'est son nom, est le plus vieux monarque en exercice. Ça fait 70 ans qu'il est roi, égard à celui qui oserait dire du mal de cet homme considéré comme un dieu vivant. Et puis la santé d'Hillary Clinton aussi pose problème, mais il y a intérêt à ce qu'elle se rétablisse vite fait de sa pneumonie, hein, vu qu'il y a quand même une élection présidentielle début novembre qui l'attend. Et des gens hésiteraient sans doute à voter pour une grabataire, mais son porte-parole a annoncé qu'elle reprendrait sa campagne pas plus tard que demain, avec en ligne de mire un premier débat télévisé avec son rival républicain Donald Trump dans 13 jours. Et encore une méga fusion d'entreprises en perspective avec Monsanto, peut-être pas la boîte préférée des écolos, hein, vu qu'on la connaît surtout grâce ou à cause de ses OGM et de ses pesticides. Bref, l'américain Monsanto va être racheté par son concurrent allemand Bayer après 2 refus. Le conseil d'administration du groupe US réuni hier soir a fini par dire OK. Pour ça, il a fallu que Bayer relève plusieurs fois son offre financière. Monsanto faut encore que les autorités de la concurrence donnent le leur, d'accord. Enfin, le Slovène Alexander Seferin est le nouveau patron de l'UEFA, l'Union Européenne de football. Il a été préféré au Néerlandais Michael Van Praag pour remplacer Michel Platini, suspendu pour avoir magouillé, hein, ce qui se fait beaucoup dans ce milieu. Et ne dites pas à M. Seferin qu'il manque d'expérience, ça le vexerait très fort. Les présidents des petites fédérations comme la mienne, explique-t-il, doivent faire plus avec moins, ce qui en donne pas mal d'expérience. Fun Radio. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Côté son d'Esflore, c'est Mo qui arrive dans quelques petites minutes. On va se faire aussi Fédé le Grand, un petit souvenir. C'est bon ça? C'est ce qui arrivera juste après la météo. Carlo, c'est quoi le programme? On va perdre 3-4 degrés. Demain, on va gagner en confort, hein, parce que ce sera un petit peu plus respirable avec toujours pas mal de soleil. Prochain rendez-vous info dans 1 heure. Je vous laisse avec Audrey. Et le son de Mo. Salut. Fun Radio. Pendant les portes ouvertes Volkswagen jusqu'au 20 septembre, la Polo est à partir de 129 euros par mois en location pour particuliers. Infos et conditions sur volkswagen.be. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Please, won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. Please. avec vous 18h08 précisément. Et ce sera comme ça jusqu'à 20h en mode happy hour avec un invité aujourd'hui. C'est JB qui est avec nous. Ouais. Ouais, ça, c'était pas obligé par contre. JB, il est humoriste, il est comédien. Et la bonne nouvelle, eh ben, c'est qu'il est en Belgique du 14 septembre au 17 septembre au Cooks pour justement ton one man show Un père presque parfait. Alors JB, globalement, ça raconte quoi? Globalement, c'est surtout, ça parle de la, comment, de ma nouvelle vie de papa. Je parle des gosses, je parle des parents. Je parle de la double culture avec ma femme qui est vietnamienne. Ouais. Et surtout, en fait, c'est un spectacle qui est, comment dire, très interactif avec beaucoup de bruitage et d'impro. En gros, je sais jamais vraiment ce que je fais d'un soir à l'autre. D'accord. Des fois, ça dévie, en fait. C'est assez dur de parler du spectacle parce que ça dévie. Alors, JB, tu dis que tu es impatient, maladroit, gaga, râleur, inquiet. T'as d'autres défauts ou à un moment donné, ça s'arrête? Bah, déjà, je suis français. Ah, mais c'est pas des défauts. Je peux rien faire pour ça. Tu m'étonnes. Un autre défaut, je suis pote avec Sandro. Ouais. Ça peut s'arranger par contre. On peut t'aider si tu veux. Si à un moment donné, tu veux changer d'avis, ça peut s'arranger. Non, mais sérieux, est-ce que t'as d'autres défauts qu'on peut rajouter à la liste ou alors c'est bon? Ouais, non, je suis toujours en retard. Aussi. Ouais. Non, c'est bon, t'étais à l'heure aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On m'a demandé de venir une heure avant. Bravo. Ouais. En fait, on devait se voir hier normalement. Tu veux que je t'explique vraiment le truc? Il m'a dit, écoute, je lui ai dit de venir à 5h30. À 5h, comme ça, à 5h30, il est là. Ouais. Non, c'est bon, on est officiellement plus amis. J'en ai rien à foutre. Merci, moi, je balance dans l'émission. Non, mais globalement, JB, comment ça a commencé tout ça? Voilà, ton parcours, en gros, pour les Belges qui peut-être te connaissent pas et qui te découvrent aujourd'hui sur Fun Radio. Comment les Belges me connaissent pas? Non, bon. C'est scandaleux tout ça. Non, bah, ça a commencé il y a longtemps. Moi, j'ai commencé très très tôt. Ma famille avait un petit cabaret du côté de Saint-Etienne. Et ouais. Puis voilà, monter à Paris, le café théâtre. Comme les vrais. Comme les vrais. Puis après New York, voilà, retour à Paris. Ah ouais, quand même. Il est quand même passé de Saint-Etienne à New York, ça le fait. Yeah, classe. Et du coup, quand tu joues à New York, tu joues en français ou alors en anglais? Oui, et personne ne comprend, c'est ça qui est cool. Non, mais c'est peut-être une bête question. C'est pour ça qu'ils aiment bien. Il y a des humoristes qui jouent en français pour les expats, on va dire. Les Américains. Yes. Yeah. Non, c'est vrai que c'est une bonne question. Non, je joue en anglais. C'est gentil de le soutenir, JB, c'est cool. Merci. C'est une bonne question. Par contre, globalement, c'est vrai, parce que tu as joué un peu partout, là, maintenant, depuis tes débuts. Est-ce que tu t'adaptes quand tu vas dans un pays, dans une ville en particulier? Est-ce que tu ramènes des petites vannes propres à la région? Ah, bah, quoi. Ouais, t'es obligé. T'es obligé. Par exemple, si tu devais caractériser un petit peu les Bruxellois ou les Belges, de manière globale, c'est quoi le truc qui te marque le plus? Ah, ils sont gentils. Qu'est-ce que vous êtes gentils, les mecs. Non, mais c'est pas un compliment pour un Français, en fait. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est gentil, c'est-à-dire il est un peu mais con. Oui, un peu con. Ah, c'est ça. Non, mais ça fait plaisir de te recevoir. J'y vais vraiment, ça fait vraiment plaisir. Bon, alors, au niveau de, enfin, au-delà du fait de ton spectacle, ça va aller, cette phrase ne veut rien dire. Mais t'étais aussi spécialisé dans les bruitages. C'est quoi le bruit que tu préfères faire? Celui que tu tiens le mieux? Ah, moi, ce que j'adore faire, c'est le chien qui se fait écraser par la voiture. Oh, c'est triste. Ouais. Allez, vas-y pour voir. Oh, oh mon dieu, quelle tristesse quoi. Donc niveau bruitage, tu gères. Et puis aussi ta grande spécialité, c'est les personnages. Alors là par contre la liste elle est longue. Alors déjà tous les Simpsons tu les gères. Bart, Homer, Marge, Lisa, tout ça c'est bon. Patrick, Sébastien aussi. Est-ce que tu peux nous faire un petit truc genre Patrick, vas-y C'est génial. Alors salut, bienvenue sur Fun Radio. On va tout de suite faire la nouvelle chanson. Vous allez voir, ça s'appelle La connasse qui mange des piments. Comment ça, on n'a pas le droit de dire connasse, c'est pas grave, on s'en fout. Ah si, sur Fun Radio on peut faire tout ce qu'on veut. Donc justement, blague à part, comme ta spécialité c'est quand même aussi les personnages, on t'a préparé un petit quiz. Fab va te cuisiner dans quelques petites minutes. On va se faire ça, tu restes avec nous JB. Ça sera juste après le son de Madcon qui arrive dans quelques petites minutes. Et avant ça c'est parti, on se fait un souvenir. C'est Fédé Le Grand sur Fun Radio, welcome tout le monde. h 20h, Happy Hour. Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Put your hands up for Detroit. hands up for Detroit, a lovely city. Jusqu'à 20h avec le son de Justin Timberlake qui arrive. On va se faire aussi le tout nouveau Hardwell dans quelques petites minutes. Si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, je vous présente JB. C'est notre invité. JB qui est humoriste et qui est en Belgique pour son one man show. Un père presque parfait. Ça se passe au Cooks. C'est à Bruxelles. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur le site www.cooks.be. Alors, il y a son one man show d'un côté, mais aussi sa spécialité, c'est de faire des personnages. Du coup, bah, Fab, t'as préparé un petit quiz. Ouais, moi j'ai envie de parler avec Homer. Tu crois que c'est possible de parler avec Homer ou pas? Ouais, c'est jouable. Ah, j'ai toujours voulu poser des questions à Homer et là, je vais pouvoir le faire. Bon, Homer, des années qu'on voit Marge dans sa robe verte. toute moulante. Mais on se pose tous une question. Elle est bien gaulée ou pas, Marge? Oh, pinaise, ouais. On croirait un truc qui est sorti du Krusty Burger. Ça fond dans la bouche et pas dans la... T'as compris? Oh, elle est grasse, c'est ça? Ouais. Et je me suis demandé, Homer, Oli, elle est comment, Marge? Elle est plutôt sauvage, tigresse ou c'est une étoile de mer? Ouais, c'est une tigresse. Elle me griffe le dos, mais ça rentre dans la graisse. Et toi, tu tiens le coup avec ta condition physique ou pas? Oui, ça me... La dernière fois, j'ai fait un infarctus. Elle m'a dit, ouh, bouge en mer, j'étais déjà mort. Cliniquement. Sinon, il y a une question que je me pose aussi. La petite Maggie, là, la petite dernière, ça fait un an? Ça fait 10 ans qu'elle a un an. C'est normal qu'elle parle toujours pas, la gamine? Ouais, elle est débile. Je l'ai fait alors que j'étais bourré à la vodka. Je pense qu'elle parlera jamais, mais c'est pas plus mal. Je pense qu'il y a des traces, des restes de ta soirée à la vodka là-dessus. Et tu crois que maintenant, je pourrais parler avec Patrick Sébastien? Carrément, super. Bon, Patrick, t'es... Non! Si, pardon, Patrick, tu es une idole. Je t'aime beaucoup. Et je voudrais savoir, les sardines, est-ce qu'elles sont toujours serrées dans la même boîte ou bien elles ont déménagé, elles ont trouvé un truc plus grand, elles sont bien maintenant ou... Bah non, elles sont dans le même truc. C'est génial, c'est une petite boîte qu'on a dans le fin fond de comment ça s'appelle, ce bled pourri. Voilà, Charleroi, c'est génial. Oh, non, ça... non, je déconne, j'adore les gens de Charleroi. Les Carolos, je suis sûr. Patrick, dans cette fameuse chanson lourde de sens où les paroles sont vraiment écrites, cette chanson qui s'appelle Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, à qui t'adressais-tu? Quelles étaient les personnes que tu voulais toucher, Patrick? À l'avocat de mon ex-femme. Et ça a marché ou pas? Pas du tout, il m'a piqué la moitié de ce que j'avais. C'est génial. Et je voulais savoir, Patrick, ça te fait quoi de savoir que Cyril Hanouna, il cartonne avec ta chanson sur son plateau et que quand c'est toi qui la chante, on te traite de ringard? Bah écoute, franchement, alors je voulais dire, Cyril Hanouna, je l'adore, c'est un pote à moi. Mais il y a un truc, jamais il pourra me le piquer, ça s'appelle l'hélicoptère avec la bite. Oh non. Si, si, attends, bouge pas, je vais te montrer. Il n'y a pas de place pour les listes. Franchement, on l'applaudit, j'y vais. C'est clair, je l'adore. Il est énorme, quoi. Tu fais combien de personnages comme ça, JB? Combien tu peux en faire au total? Ouais, une centaine à peu une près. Une centaine, ouais, quand même. Mais c'est énorme, ça demande beaucoup de répétition. Enfin, franchement, pour tenir les voix comme ça, c'est pas si facile. Ouais, ça demande un peu d'entraînement, mais bon, je veux dire... Non, il est modeste, genre, non, mais... Bah, non mais voilà. En fait, je veux dire, c'est quand même sympa comme métier, quoi. Ah, tu es devant ta glace le matin et puis tu t'entraînes comme ça à faire Barney. Ah, je suis pas un alcoolique. Dans les Simpsons, c'est lequel qui t'éclate le plus? Celui que t'aimes vraiment? Moi, je suis vraiment, le que je préfère, c'est le grand-père. Le grand-père, bah, vraiment, ouais. Et Milouz, j'adore Milouz. Ah, Milouz, ça va comment encore? Je sais plus. Bonjour, madame Simpson. Je m'appelle Milouz. On va t'appeler Milouzer. C'est énorme. Franchement, moi, je peux rester là, mais genre, à t'écouter tout le temps, quoi. Et en plus, si vous voulez y aller justement au One Man Show de JB, un père presque parfait, et bah, ça se passe du 14 septembre au 17 septembre au Cooks. Donc, c'est à Bruxelles et on a des places à vous filer. C'est cool, il est pas venu les mains vides. Donc, si ça vous dit d'aller voir JB, allez-y. Vous m'envoyez maintenant humour par SMS au 3044. On va vous tirer au sort. Ça sera juste après. Attention, accrochez-vous, hein. Le tout nouveau Hardwell maintenant qui débarque sur Fun Radio. Allez, hop, c'est parti. C'est pété. Le truc ici. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Tu voulais qu'on appelle ta maman. C'est quoi le message que tu veux passer en fait? Bah, lui dire que j'aime beaucoup parce que je lui ai jamais dit et que c'est important pour moi de lui dire quoi. Devant tout le pays, maman, je t'aime. Oui, maman. Oui. Ça fait un moment que j'avais envie de te le dire parce que cette fois que je te l'ai dit, t'as pris une vilaine dispute. Voilà, je t'aime, ma maman, t'es tout pour moi. Et... Oh, maman aussi, je t'aime, maman. Vous faites chaud au cœur, ça fait plaisir. On vous embrasse toutes les deux, les filles. Merci pour tout. Bruno dans la radio. Reviens demain. 3. Allez, Patrick, 2, pas trop tôt. Hein. 1 et go. Woo. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Wow. Basic Fit, c'est beaucoup plus que biceps et six-packs. C'est surtout se sentir bien. Et pour seulement 19,99€ par mois, deviens membre maintenant, fais du sport gratuitement jusqu'au 1er novembre et reçois un sac de sport. I feel Basic Fit. Cette semaine chez Lidl, une bouteille d'Ariel liquide plus une bouteille gratuite. Soit 9,79€ les deux bouteilles. Faites des provisions maintenant, parce que quand vos enfants déposeront leur linge sale après une semaine en côte, vous en aurez bien besoin. Lidl, pour tout ce qui compte.

Radio, la suite avec The Chainsmokers, que ça se passe. On va se faire aussi Martin Garrix. Enfin, quand je dis on va se faire, on va écouter son son. Coquine, quoi. Ouais, ouais, je te vois c'est bon, 18h33, on commence à se transformer hein, sur Fun Radio. Pourquoi tout de suite, dès que je dis ça, tu t'emballes son non, mais c'est vrai. En plus, c'est gênant, on a un invité et tout, il y a JB qui est là, et j'essaye de lui faire croire qu'on est bien élevé et tout, puis tu faut pas faire croire. Il a vu que nous on a été bien élevé, mais toi par contre, toi tu peux rien faire, toi. Il est débauché. Bah bravo, JB, globalement, tu trouves que l'équipe, on est comment? Tu peux dire la vérité, hein. Vas-y. Tu veux dire, tu veux que je juge l'équipe ou individuellement? Parce vas-y, que... tu fais une évaluation individuelle un tour de chacun. Table. Tu, vas-y. Bon, Sandro. Oui, bonjour. Je m'appelle Sandro. Rien. Ça s'est fait, merci beaucoup. Au alors... standard, voilà, là ça bosse. Voilà. Pour une fois, quoi, c'est dingue ça. D'habitude, ils foutent rien, c'est fou. Fab, j'aime bien les mecs avec des barbes. Ça va. Donc, surtout en ce moment. Surtout en ce moment, ça me plaît. Et moi, t'aimes bien les femmes avec les poils aux jambes ou pas? Alors, j'avais pas remarqué, mais là, tu viens de perdre 2 points là. J'allais, ah merde. J'allais te mettre à 12 sur 20. Ouais. Et tu viens de passer 12 à 8. 12 sur 20, ouais. C'est fou ça. Attends, tu m'as dit 2 points là, ça fait 4. Et... je suis français, je sais pas compter. Ah, non. Non, non, ça va, tu gères la cacahuète. Déjà, manger un piment, déjà ouais. Là, t'es devenu mon héroïne. J'ai gagné ton respect quand même. Ah, mais je suis arrivé, je t'ai vu juste manger. Je suis arrivé à ce moment-là, tu mangeais le piment, j'ai dit, mais complètement con. Ça ouais, oui. Où est-ce que je suis tombé, moi, de nouveau? Mais moi aussi, je me suis dit que j'étais complètement con de faire ça. JB qui est avec nous dans l'émission, ça fait super plaisir. C'est un peu quelqu'un de la famille en fait chez Fun. Hein. Ben oui, bien évidemment. Merci Sandro. J'acquiesce. Mais évidemment. Mais bien oui. Évidemment. Mais bien et en fait, on mange quoi ce soir du coup, comme c'est je la sais famille pas, tu te démerdes, hein, tu ah vois bah ça ouais. Avec JB. JB qui est avec nous et qui est justement en Belgique la de famille. Passage pour son One Man Show. Un père presque parfait. Alors, il sera justement sur les planches du 14 au 17 septembre. Ça ressemble tellement pas à Fun de dire ça. Il sera sur les planches. Planches. Voilà. Et donc, ce qui est cool, c'est que JB, il est généreux, il est venu avec des places sur Fun Radio. Et on a deux auditeurs qui sont là, qui vont repartir justement avec leur accès pour aller voir JB du côté du Cooks. On a Kevin d'un côté qui vient de Liège. Bah, sérieux, ça doit pas être facile dans la vie, ça. Bonjour, Kéké. Kéké, t'es en train de décoller quelque part? Qu'est-ce que tu fous? Oh là là, le boucan! Eh non, mais attends, ouais, mets-toi sur le côté. Sur la voiture ou dans la voiture? Oh, Kevin, ça te branche d'aller voir JB là du côté du Cooks à Bruxelles? Bien sûr. Bon, JB, tu peux nous faire un kiff? Genre, tu lui dis qu'il a gagné ses places, mais avec un de tes personnages. Ok, alors, tiens, regarde. Hey, Kevin, c'est le chef Wigom à l'appareil. T'as gagné 2 places pour aller voir JB. Ouais! Félicitations, Kevin, c'est gagné. Tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées. On va t'envoyer très vite tes places chez toi. Je te fais des gros, gros bisous. Et on a David aussi qui vient de Charleroi. Salut, David. Salut, tout le monde. Ça va bien, mon David? Ça va, écoute, super bien. Très, très bien. Qu'est-ce que tu fais de beau? Eh bien là je suis c'est pas très marrant, mais je suis parti voir mon père à l'hôpital et j'écoutais Fun et voilà. Super. Oh bah, j'espère que ça se passera bien pour ton papa en tout cas. On te fait des gros bisous, mon ouais, David. T'as joué sympa. Pour repartir avec tes places pour aller voir le concert, j'allais dire ouais vas-y il est en concert. Il fait c'est tout, j'y vais, rien à foutre. J'ai plaisir, t'as bien suivi. J'y vais donc et, sur les planches du côté du Cooks. Alors vas-y, JB, dis-lui qu'il a gagné avec un autre personnage. On se fait un kiff. Monsieur Burns. Excellent. Kevin, tu as gagné 2 places. Lâchez les chiens. Ouais. David, félicitations. Tu raccroches pas, d'accord? Super, et grand merci à vous. Gros bisous à toi et à ton papa aussi. Hein. On pense fort à toi et pour tous les autres qui voudraient aussi aller voir JB, bah, c'est possible. Hein, je vous mais rappelle. Vous payez. Oui, bah, en gros, c'est ça. Fallait appeler avant. Donc je vous rappelle vite fait les dates. Ça se passe du 14 septembre au 17 septembre au Cooks. Pour le site internet et pour toutes les infos, direction www.cooks.be. JB, merci beaucoup franchement d'être passé. Attends, merci à vous, Fun Radio. Ouais, ouais, ouais. C'est comme les vieux DJ qui voient, est-ce que vous êtes là? Ouais. Il y a toujours les autres qui suivent quoi. JB, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. La suite maintenant, c'est avec The Chainsmokers que ça se passe. Et si vous avez envie d'aller à Las Vegas, a priori tout le monde a envie de ça, hein, bah restez bien là, je vous explique comment faire. Ça sera juste après le son de Chainsmokers sur Fun. Are you ready? Fun Radio et Legends présentent pour la première fois à Asselt le DJ Superstar Fun Radio, David Guetta. Salut, c'est David Guetta. 15 000 personnes sur le plus grand dance floor de Belgique. Vendredi 21 octobre 2016 au Etias Arena Asselt. David Guetta. Le vendredi 21 octobre 2016, un événement Legends et Fun Radio. Info et tickets, téléticketservice.be et funradio.be. Fun Radio, le son dance floor. Hier, c'était de nouveau. Ah

In the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. Radio, si vous venez de vous brancher, il y a toute l'équipe qui est là en forme. Fab, présent. Sandro, hey. Kiki, Alison, ouais. Moi c'est Audrey. Et puis il y aura le son de Diero dans un instant avec Bailar. Il y aura aussi du Liam Summer, c'est ce qui arrive dans le prochain quart d'heure. La teuf la plus extrême du monde. Villa avec Desperados dans un avion zéro gravité. Ah, ça fait quelques jours qu'on vous en parle hein, là sur Fun Radio, c'est énorme. On est comme des fous furieux, franchement. Tu m'étonnes. On vous envoie à Las Vegas, les copains. Si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, sachez que ça va être énorme comme expérience. Le festival Gravity Zero. Yeah, motherfucker. Ça le fait rien que le titre du festival, sérieux, il donne envie d'y aller. En gros, le concept, il est simple. Vous allez embarquer dans un avion de la NASA qui va décoller. Ah ouais. Et en fait, l'avion, à chaque fois, fait un genre je me crache, tu vois, genre hop, il redescend à toute vitesse. Et ce truc là fait que ça reproduit en fait la sensation d'un astronaute, c'est à dire que vous allez commencer à sautiller en apesanteur. Donc vous allez faire la teuf en sautillant. Après bravo pour la chorégraphie hein. Il faut essayer de gérer les pas. Et en plus de ça il y aura un DJ dans l'avion. Donc ça c'est encore jamais été fait. Ça va être juste énorme. Et après sur place de toute façon il y a tout ce qu'il faut pour faire la fête. Tout ce qu'il faut pour boire Desperados. Avec évidemment modération, on est d'accord. Mais aussi tous pour grignoter. Bref ça va être énorme. Si vous voulez y aller il faut s'inscrire. Ça peut tomber à tout moment dans la journée, vous envoyez DESPE par SMS au 6322 et puis il suffit de rester à l'écoute de Fun Radio, hein. Ça sera peut-être vous qui allez partir à Las Vegas dans quelques petites minutes. Il y aura le son de Liam Summer, il y aura aussi du cadeau dans Fun Radio dans quelques petites minutes. Ça arrivera juste après le son de Diero, c'est Bailar qui débarque sur Fun. Partez vous éclater à Las Vegas pour un party trip de folie avec Desperados et Fun Radio. Toute la semaine, écoutez Fun Radio Connected dès 20h. Dès que vous entendez le Gravity Mix, envoyez DESPE au 6322. 1€ le message et gagnez chaque jour votre pack Desperados. Devenez l'un des finalistes qui remportera des places pour le festival le plus extrême dans un vol zéro gravité à Las Vegas avec Desperados.

Fun Radio, c'est du Belge qui arrive avec Liam Summer. Il a commencé ici sur Fun Radio, maintenant ça cartonne pour lui. Franchement, on est super fiers. Liam Summer, il arrive juste après l'horoscope dans la Piawar. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ouais, et aujourd'hui l'horoscope ne concerne pas forcément par exemple le Fab qui n'a pas de cheveux sur le caillou, puisqu'on va vous dire si vous avez besoin d'une nouvelle coupe de cheveux, les béliers. La dernière fois que vous avez été voir le coiffeur, Gilbert Montagnier disait à sa maman: maman, tu peux regarder si j'ai un truc dans l'œil, ça pique. Oh non. Les taureaux. C'est pas vraiment d'une nouvelle coupe dont vous avez besoin, mais c'est les laver surtout. Ah ouais, c'est dégueulasse. Oh. Et sérieux, parfois il y a des gens que tu crois, t'as l'impression que tu peux remplir un seau de graisse avec leurs cheveux, quoi. C'est ignoble. Les Gémeaux. Votre coupe de cheveux est tellement vieille qu'elle a connu Dorothée, Nathalie Louise et Bernard Minet. Albatros. Voilà, pardon, ça va. Laisse tomber. Les cancers. Alors, si vous portez un foulard, c'est pas par conviction, mais c'est pour masquer votre vilaine coupe. Les lions. Déjà, lavez-les, ce sera déjà pas mal. Hein. Vos cheveux sont tellement gras qu'on pourrait faire cuire des frites dedans. Vierge. Votre coupe de cheveux est tellement moche que si elle avait un nom, elle s'appellerait Chat qui a vomi après qu'on lui ait roulé dessus avec une voiture. Balance. Vous devriez vraiment passer voir votre coiffeur ou un jardinier paysagiste. Je crois que c'est pas mal de mettre deux personnes sur le dossier. Les scorpions. Ce qui est cool avec votre coupe de cheveux, c'est que quand on est à côté de vous, on peut dire: hé, hey, chouette, il neige. Oh non. Oh non, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Les sagittaires. Changer de coiffeur, apparemment le vôtre, il a eu un seul client avant vous, Felani. Capricorne. Vos cheveux sont un peu comme la Syrie, en guerre. Ça gère à mort, le mec. Ça fait plaisir. Les Verseaux. Laissez tomber le coiffeur, c'est plutôt un toiletteur dont vous avez besoin. Et on termine avec les Poissons. Même si vous passez chez le coiffeur, on peut rien faire pour vous. Vous êtes blond, mais supplément andalou, frites maillot. On coupera montage. On n'a pas compris, on recommence. Les Poissons, sois bon, Fab, attention, t'as la pression. Je disais, même si vous passez chez le coiffeur, on peut rien faire pour vous. Vous êtes blond, vénitien, supplément andalou, frites maillot, ketchup. On applaudit Fab. Merci. Il a fait une phrase sans bugger. C'est magnifique. Allez, on va enchaîner avec le son de Liam Summer sur Fun Radio. Et puis dans quelques minutes, il y aura du cadeau. On vous file une pizza party. Cool, avec plein de pizza. Oh. Vous envoyez Happy par SMS au 6322. Bonne chance. Memories on my mind. I think of you all the time. Au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. On va se faire un kiff là dans l'émission. On va vous filer une pizza partie, plus de 50€ de valeur en pizza. Voilà, allez chercher chez Pizza Hut si ça vous dit de repartir avec ce chouette cadeau. Et bah vous envoyez maintenant Happy par SMS au 6322. On fera un tirage au sort juste après la météo de Carlo. Non, c'est non, pas la météo. C'est les infos de Carlo. Bonjour Carlo. Salut Audrey, salut à tous. L'e-commerce, donc le shopping online, ne cesse de progresser. Je suis pas sûr que l'expression bonne nouvelle soit vraiment de circonstance en matière d'emploi. En tout cas, vu qu'en achetant sur la net, on a peu besoin de ces intermédiaires qu'on appelle commerçants. Bref, durant la période d'avril à juin, les Belges ont claqué 2,2 milliards d'euros sur Internet. C'est une hausse de 10% par rapport à la même période en 2015. sont aujourd'hui 73% des adultes du pays qui font une partie de leurs achats, en tout cas par ce biais. Les achats en ligne représentent 16% des dépenses totales et c'est l'achat de billets d'avion et de séjour par Internet qui reste la catégorie la plus populaire. Et puis, quel que soit le moyen que vous utiliserez pour acheter un vélo électrique, il faudra, à partir du 1er octobre, que vous passiez un permis de conduire, en tout cas si le véhicule dépasse les 25 km/h, un permis théorique uniquement, et seront également obligatoires le port du casque, ainsi qu'une plaque d'immatriculation et une assurance aussi. On parle beaucoup de virus Zika en cette année 2016, beaucoup plus que d'Ebola en tout cas. Et à propos de cette maladie, où en sommes-nous? Eh bien, les chercheurs du monde entier réunis en Anvers pour 3 jours vont répondre à cette question et faire le point sur leurs recherches. Vous vous souvenez sûrement de la dernière grosse épidémie qui a fait quelques 11 000 morts en Afrique de l'Ouest, c'était en 2014. Bah là, ça va nettement mieux, en ce sens que le virus est endormi, mais alors à la façon d'un volcan, à savoir qu'il peut se réveiller à tout moment. Et les chercheurs expliquent que les périodes durant lesquelles il reste silencieux sont de moins en moins longue. Il serait hyper inquiétant si on n'avait pas l'espoir de mettre un vaccin au point très bientôt. Mais on l'a, cet espoir, même que les derniers tests sont très encourageants. Je parlais de commerce en ligne en début de Flash. L'e-commerce qui continue à se développer. Eh bien, toujours à propos d'Internet, on peut dire la même chose de l'écoute musicale. Les gens consomment de plus en plus de Zik sur leur smartphone en profitant du boom des sites de streaming. 55% des personnes interrogées ont écouté de la musique sur leur smartphone au moins une fois au cours des 6 derniers mois. C'est 5% de plus qu'il y a un an. Et c'est au Mexique que cette formule a le plus de succès. À l'inverse, les Japonais sont forts à la traîne, ce qui peut sembler assez surprenant de la part de gens qui ne jurent que par les nouvelles technologies. Un petit mot de basket pour terminer et de notre équipe nationale qui se met en évidence. Il n'y a pas que le foot et le hockey dans le monde du sport collectif en Belgique. Bref, les Belgian Lions affrontent la Suisse ce soir dans le cadre des qualifs pour l'Euro 2017. Les Belges qui sont en tête de leur groupe avec le max de points, 8 sur 8, et qui achèveront cette campagne de qualification en Islande dans 3 jours. On peut donc s'attendre à une 4e qualification défilée pour le championnat d'Europe. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Il y aura du Eva Simons dans quelques minutes sur Fun Radio côté son Dancefloor, Sigala et puis Lucenzo et Sean Paul. C'est ce qui arrive pour le prochain quart d'heure. Ça sera juste après la météo. Carlo, c'est quoi le programme? Demain, les températures seront comprises entre 25 et 28 degrés. Ce sera quand même nettement plus supportable que ces derniers jours. Avec toujours pas mal de soleil au programme. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve dans une heure. Et vous laisse en compagnie... Non, je vous retrouve demain, que dis-je, à 5h30, déjà le matin. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son d'Eva et Simon. Salut. Fun. Fun Radio. Pendant les portes ouvertes Volkswagen jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme. Rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. L'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Oh Lord, have mercy on me. I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time. Just had enough of your mind. Can I really let you go? No. Vous savez, on a un générique maintenant dans l'émission, la jolie musique que vous venez d'entendre à l'antenne. Mais bon, Sandro qui d'habitude appuie sur les boutons pour vous envoyer toutes les musiques, les jingles et tout ça, là il s'est fait un kiff, il a fait un remix du générique. Remix. Mais qu'est-ce qui te prend, fieu, sérieux? Mais non, non, non. D'accord. Ah non, le mieux dans le générique, moi je trouve, c'est le. Moi ça reste en tête, remets-le un peu. Ouais, vas-y, ouais. Hey, on pourrait faire un morceau là-dessus. Allez, allez. Allez. Ouais, enfin, sinon on va arrêter ça tout de suite. Je sais pas s'il y a encore des auditeurs qui écoutent l'émission. Tout le monde s'est barré là en fait, c'est bon, c'est la Pigame là maintenant sur Fun Radio. Si vous venez de vous brancher, on vous file une pizza party. Oh ouais. C'est la Pigame, ouais. C'est un jeu où tu peux gagner ou perdre. Comme dans la vie. C'est la Pigame. Amen. Et c'est avec Pizza Hut que ça se passe. 50 euros au total de pizza que vous allez pouvoir gagner toute cette semaine. C'est cool. Oh, bah, bien se voir frise. Oh, tu m'étonnes. J'imagine. C'est ce juste, que je mange en un repas. Bah, 50 euros, ça fait beaucoup quand même. Je sais pas combien ça fait de pizza, mais 50 euros de pizza. Tu peux tapisser les murs de ta chambre avec des pizzas. Oui. Mais quel gâchis. Bah, tu les manges surtout. Bah ouais, ça c'est le kiff total. Francisco. Francisco ou Francesco? Francisco. Ah, Francisco. Francisco. Ouais, c'est pas grave. C'est vrai. Bravo, Audrey. Bravo, Audrey. Francisco, tu viens de Gilly. Ah, bah, c'est un Carolo. C'est pour ça. Mais bah, évidemment. Voilà. Tous les Italiens sont à Charleroi et à la Louvière. J'ai l'impression qu'il y avait deux destinations. Je ne suis pas italien. Je suis suisse. Dans ces conditions, espagnol, moi, je Francisco, me casse. Mais c'est Francisco, c'est de quelle origine? Espagnol. Ah, voilà. Ah, regarde, on a un espagnol dans l'équipe. Vous allez pouvoir parler ensemble. Et hola, ¿qué tal? Francisco. Oui, et tout? Vas-y, dis-lui, j'adore ton petit cul. Pour voir. Allez, vas-y, caca. Quiero tu culo. Oh. Eh, ça chauffe ici. Je le là, savais. Il a dit j'aimerais ton cul. Ah. C'est un lapsus révélateur. On se demandait justement de quel bord était Kiki. On a donc la réponse aujourd'hui. Ben merci. Franchement, Francisco, tout ça, c'est grâce à toi. Francisco, t'as joué pour repartir avec tes pizzas. Voilà, alors las déjà. Pizzas. Las pizzas. Si, en espagnol. Allez, la première bonne nouvelle, eh ben, c'est que tu repars déjà avec 25 euros de pizza. Ouais. Bravo, bravo. Et voilà. Merci. Francisco, maintenant, tu peux décider de doubler cette valeur, c'est-à-dire de repartir carrément avec 50 euros de pizza chez Pizza Hut. Est-ce que tu vas tenter, c'est pas espagnol, c'est mexicain, ça. Francisco, Fuados. Est-ce que tu veux essayer de doubler ton cadeau et jouer à la Pigame en direct sur Fun Radio? Ouais, sans souci. Eh ben, vamos alors. Oui. La Pigame sur Fun Radio. Sur Fun Radio, c'est le seul jeu du monde où tu peux négocier ton cadeau. J'adore Francisco qui me juge super fort, qui fait ouais ok, elle commence à parler espagnol, ça va pas du tout aller ici. Francisco, tu vas devoir affronter quelqu'un de l'équipe. Il y a Sandro, le kéké du standard. Hey. Fab ou moi, Audrey, tu veux affronter qui? Sandro. Oh merde. Sandro, c'est bon, par hasard. T'as déjà gagné mec, c'est bon. Alors vous allez vous affronter au jeu des couleurs. Ça oh marche. Non, non. Ah bah si, je sais que t'es très mauvais à ça, Sandro. Je suis mauvais à tout. Il est daltonien, le pauvre. Il ne voit pas les couleurs. Alors, je vais vous donner une couleur. À vous, chacun à votre tour, de me donner un objet qui est de cette couleur-là. Tout le monde a bien compris? Ok. Francisco, tu as compris? Ouais. Ah bah c'est parfait. Alors, ouais, on y va. Compris. Attention, la couleur, c'est le jaune. À toi, Francisco. C'est toi qui commence. Une banane. Yes, ça marche. Un point. Une banane, un t-shirt. Non, non, c'est trop facile ça. Moi, j'accorde plus maintenant, ce foiré. Et femme, on ne triche pas. Allez, Sandro. Un chinois. Ah, t'es bonne, hein. T'es de bonne réponse, hein. Eh c'est ben, bonne réponse. Franchement, pour cette vanne de merde, Francisco, c'est toi qui gagne. Yeah. 50 euros de pizza chez Mais ils sont pizza. Jaunes. Mais non, ils sont pas jaunes. Bah, eh, on fait bah, des gros bisous à tous les chinois qui écoutent Fun Radio. C'est quoi votre délire avec le jaune? Vas-y, va chercher un chinois, tu vas voir qu'il est pas jaune. Tu crois qu'on trouve des chinois comme ça dans la rue à cette heure-ci, ils travaillent? Eh bah, t'as qu'à trouver. Francisco, tu raccroches pas, on t'envoie bah, tes 50 euros de pizza chez toi. Ça marche? Ok, merci beaucoup. Gros bisous, Francisco. Soirée, hein. Si vous aussi vous voulez essayer de repartir avec une pizza partie, bah, c'est pas compliqué, il faut s'inscrire pour ça. Hein. Vous envoyez Happy par SMS au 6322. Et puis bon, on se fera encore un tirage au sort avant 20h. Il y aura le son de Lucenzo et Sean Paul dans quelques minutes. Et puis on va tout savoir aussi eh bah, sur les people avec Potin et Popotin. Et le spécialiste des people ici, c'est Fab. T'as quoi sous la manche? Un truc qui va te faire plaisir, tu vas voir. Mais je ne spoil pas. Je d'accord. Et eh ben on se fait ça juste après Cigala sur Fun. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah, oh yeah. Oh, give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. Why don't you give me your love? Give me your love. gonna wet this. Let's get reckless. Make this night be the best trip. If I'm a set list, cannot forget this. Just take this girl and flex this. Boom flick, wanna pull and bless this. We not fed this girl, just let this energy come shock like electric. Si vous venez de vous brancher, c'est bon, ça, le nouveau couple. Bah ouais, Rihanna et Drake qui arrivent dans un instant. Il y aura aussi le nouveau Shit Cause, mais d'abord, on va prendre des nouvelles des People avec Fab. On s'assoit confortablement. C'est fait. On se relaxe et on ne pense plus à rien. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. Et c'est avec Fab que ça se passe. Fab qui a les infos avant tout le monde. J'ai un truc qui va te faire plaisir aujourd'hui, ma petite Audrey. Magnifique ça. Je vais te faire écouter quelque chose. Tu vas me dire ce que ça te rappelle. D'accord. Vas-y, Sando. Ça, c'était des chorégraphies dans la cour de récré. Ah ouais, ben j'imagine. Tu sais à que quoi ce... tu... Bravo Tu sais que ce titre a plus de 20 ans. Déjà. Enfin, il fête les 20 ans cette année. Là, je viens de me prendre un coup de vieux dans la gueule. Ah, ça, moi, je pensais que ça faisait 10 max. Non, 20 ans déjà. Et pour la bonne cause, le groupe Aqua va se reformer. Oh, trop bien. Ils vont refaire un clip et peut-être même éventuellement partir en tournée. Ouais, mais attends, c'est juste pour la bonne cause après où ils restent. Bah, pour Aqua, pour Barbie Girl, quoi. Ouais, ouais, pour leur seul succès. Ils ont fait qu'un titre. Non, ils en ont fait plusieurs, hein. Mais avec celui-là, attends, tu retiens. Il y avait quoi? Il y avait. Attends, le kéké du standard, il connaît tous ces trucs-là. Dans les musiques ringardes, ils ont fait deux albums. Hein. Ah, carrément. Deux albums. Ouais, ouais, mais... Chante une autre qu'ils ont fait alors. Mais chez eux, ils avaient fait un truc sur Halloween, c'est genre. Halloween. C'est un truc. Ouais, je connais plus trop le rythme, mais c'est ça. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Alors, à quoi c'est comme Sandra Kim? On se souvient que d'une chanson. Mais attends, peut-être que Vincent, qui est avec nous, qui vient de Fontaine-l'Avec, lui, il va. Fontaine-l'Avec. Non, c'est l'évêque, c'est mieux. Peut-être qu'il va se souvenir. Lui. Salut Vincent, comment ça va? Ça va très bien et toi Audrey? Oh bah super, qu'est-ce que tu fais de beau mon Vincent? Ah, posé après le boulot un petit peu, ça fait du bien. Tu chill quoi, tranquillou avec ton petit cocktail. Oh là là, comique. Tu vas faire un petit barbecue ou pas? Non, là c'est plutôt le petit café. Bah j'aime bien aussi, hein, c'est un bon concept. Hein. Bon, et toi tu te souviens Vincent du groupe à quoi? Ah ouais. Bon alors, il y avait Barbie Girl, ça on est d'accord? Barbie Girl? Non, c'est quoi? Barbie. C'est Barbie. Mais tu veux que je t'explique le concept du clip? Non, laisse tomber. Bon, il y avait Barbie Girl et tu te souviens d'un autre titre d'Aqua, toi ou pas Vincent? Parce qu'on cherche là, mais là tout de suite ça nous dit rien du tout. Pas vraiment, à part vraiment Barbie Girl, il y a que ça quoi. Attends, je suis persuadée. Je suis sûre que j'avais fait même une danse dessus à la fin de l'école, là, tu sais, genre, comment on appelle ça, à la fête de l'école. La fête de l'école? Non, mais non, bref, laisse tomber. J'avais fait une chorégraphie dessus, Sandro, il n'y a pas moyen que tu retrouves. Si, j'en ai retrouvé une autre, c'est Dr. Jones, je sais pas si. Ah oui, voilà! Dr. Jones? Vas-y, ouais. Fais péter. Alors, ça marche pas. Oh non.

your friends goodbye. We can make our way outside. If they think they're gonna stop you coming with me, better change their minds. The Henny got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, oh. Turn me on, turn me on. Let me change you. Fun Radio, c'était le nouveau Cheat Code. On va enchaîner avec Zao et MHD. Laisse les Kouma sur Fun Radio. Avant ça, on va se replonger dans les années quoi. C'était 90 ou 2000, ça, le groupe à quoi? 97. Non, ah, oula, quelle précision. Dis, t'as été sur Wikipédia avant, quoi, vieux. Non, mais moi, je maîtrise mes infos, madame. Eh ben, moi, je sais de quoi je parle. Allez, si vous venez de débarquer sur Fun Radio, Fab nous a appris que le groupe à quoi allait se reformer pour la bonne cause et partir en tournée. Pour les 20 ans de Barbie Girl, hein, leur hit majeur à 20 ans. C'était donc ils vont se reformer. Énorme. Ouais. Peut-être un nouveau clip, ouais. Et peut-être une tournée. Ouais, mais avec un nouveau son ou quoi? Ah non, Barbie Girl, ils vont ils vont reprendre ça. Oh non, ce serait bien qu'ils en fassent un nouveau quoi. Tu veux qu'ils fassent quoi? Ken? Ouais. Pourquoi pas? On a Simon qui est là, qui vient d'Anvers. Salut Simon. Salut. Attends, Simon, t'as 13 ans et on me dit que tu connais le groupe à quoi? Bah ouais. Bah ouais. Genre, mais c'est quoi ces questions? Mais comment t'as découvert ce groupe? C'est genre tes parents qui écoutent à vous? Non, non, c'est juste en écoutant tout le temps. Mais mes potes, quand j'allais chez eux, ben, ils me disent de la musique et tout. Alors, je lui ai montré qui, et puis ils me disent c'est à quoi, et puis voilà quoi. D'accord, donc tes potes écoutent à quoi? Parce que t'étais pas né au fait, hein, quand c'est sorti Barbie Girl. Bah, c'est ça quoi. Bon, on me disait tout à l'heure qu'il y avait le titre Lollipop d'Aqua qui était super connu. Est-ce que tu l'as trouvé, Sandro? Yes. Vas-y, balance. Et je me souviens pas de ça, moi. Du tout, moi j'étais passé à côté. Eh Simon, tu te souviens de ça, toi? Enfin, maintenant, je n'entends pas très bien parce que. Attends, vas-y, on met plus fort, c'est pour toi, Simon, vas-y. D'accord. En fait, le truc qui m'inquiète le plus, c'est que je vois Kéké du Standard qui est en train de chanter la chanson. Mais non. Kéké, mais... qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, quoi? En fait, moi, j'étais un peu bercé avec Aqua. Ah, mais pourquoi t'as bercé avec ça? Les parents écoutaient tout le temps ça non-stop. Je me souviens, on allait genre vers Disney et tout, et ils mettaient ça en boucle sur tout le long du trajet. C'est quoi? Je commence à comprendre des choses sur pourquoi t'es comme ça, en fait. Si t'as été bercé avec Aqua, sérieux, ça peut pas le faire. On peut faire une petite vérification iPhone. Donne-moi ton iPhone, on va voir si t'as Aqua dans ta playlist. Oh, c'est sûr. Mais bien sûr qu'il a les deux albums. Mais tu vas rigoler, mais j'ai tout l'album. C'est pas possible. On va pas rigoler, Kevin. Non, non, on va te juger. Eh, en même temps, faites pas les malins parce qu'à tout moment, je peux prendre vos trucs là pour voir aussi ce que vous c'est criminel. T'imagines un jour, tu prends l'iPhone de tous les membres de l'équipe et tu balances nos playlists. T'as peur de rien, toi. T'écoutes quoi comme genre de musique? Moi, tu dois écouter des trucs italiens bien kitsch, toi. Ouais, moi j'ai tout. Moi, ça de Frank Sinatra, italien, Iron Maiden, Guns N' Roses et les sons dance floor. J'ai dit Kaigo. Sandro, t'écoutes quoi? Bah, j'écoute beaucoup de son dance floor et puis un peu des choses. J'adore parce qu'il parle comme un vieux DJ. J'écoute beaucoup de son dance floor. J'écoute de son dance floor parce que voilà, j'aime bien le son dance floor et Party Fun. Non, et surtout genre du Christophe Maé, un peu de la pop aussi. Oh là là, Christophe Maé. Rien à voir. Eh, Simon, toi, t'écoutes quoi d'habitude? À quoi? Oui, à quoi aussi? Comme toi, c'est aussi des trucs comme Skrillex, tu vois, Bang Rang, Junior Gang et tout. Ah, ah ouais, putain, ah ouais. C'est énorme. Les gars, il a 13 ans, il nous sort des groupes improbables, quoi. Simon, merci beaucoup d'être passé à l'antenne, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ça va. Je te fais des gros bisous. Il m'éclate. Il a dit des bisous. Oui, il a dit des groupes que je connaissais pas. Skrillex. C'est quoi Skrillex? J'ai le droit de demander ou pas? Attends, c'est parce que moi les titres et tout je connais pas. Vas-y, chante. Skrillex, mais tu sais pas chanter. D'abord c'est un caillou et après il fait de la musique techno. Il a fait un duo avec. C'est une blague, ça ou pas? Oui. Vas-y, balance. Il a fait un duo avec Justin Bieber. Je sais pas si tu t'en souviens. Ah oui, ça. Bah oui. Tu vois, c'est lui qui tape des bambous derrière. Allez, on va enchaîner avec le son de Zao maintenant. Bla bla bla. Ouais, comme tu connais ça. Ouais, évidemment, ah, avec MHD, Leslie Kuma. Et puis on va faire un petit blind test. Si vous voulez venir jouer avec nous, il y aura du cadeau Fun Radio à choper. Et bah, vous vous inscrivez maintenant, hein. Vous envoyez test par SMS au 3044 et vous allez affronter quelqu'un de l'équipe. Fab, Sandro, Keke ou moi. On se fait ça juste après Zao et MHD sur Fun. Mais c'est le Kuma. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin. Ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus fort que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. C'est du Carolo qui arrive là, Kid Noise, c'est du belge, Ocean, c'est ce que je vous cale côté son dance floor. Il y aura Dua Lipa aussi, puis un petit Kaigo. Et d'abord, on va s'affronter à un blind test. Yeah. Tatin. Ouais, et on a deux auditeurs aujourd'hui qui vont venir jouer avec nous. On a Julien d'un côté qui vient de Dijon. Salut Julien. Attends, Dijon, bonsoir. C'est en France, non? Non, c'est Dijon. Oh là là, non mais j'ai un stagiaire en bois, il m'a écrit Dijon. Je me dis, la vache, c'est loin quand même. Ça va Julien, ça se passe la soirée? Ouais. Ça va bien, ouais, merci. Qu'est-ce que tu fais? Là, j'étais en train de manger chez ma belle-mère. Ah, bah c'est cool. Elle est gentille ou pas? Okay. Elle te fait chier comme toutes les belles-mères. Ouais, elle est ouais. En même temps, elle est à côté, elle peut rien dire. T'oses pas dire autre chose. Julien, tu vas affronter Nathalie qui vient d'Enghien. Salut Nathalie. Salut Audrey. Ça va bien? Toute l'équipe. Oui, ça va. Quelle jolie voix. Dis-moi, je sens que t'es célibataire, Nathalie. Non, pas du tout. Arrêtez. C'est bien essayé. Bon, alors Nathalie, comme t'es la seule fille, eh ben, tu vas pouvoir choisir qui tu veux, avec qui tu veux faire équipe dans. Dans la pioche. C'est ça. Et ben avec toi, Audrey. Avec où? C'est pas bon, spécialement un bon choix. T'as perdu. Bon, bah, ok, c'est pas grave. On va faire une équipe de girls, tu vois. Girls Power. Yeah. C'est parti, Nathalie. Voilà. Tu vas voir, on va tout dégommer. Julien, tu veux faire équipe avec qui? Sandro, Fab ou Kéké? Je prends de Fab. Fab, parfait. Oula. Très bon choix. Oula. Musique de cow-boy, on n'a pas. On peut chercher. Bon, alors, c'est parti. Le premier son, Sandro, c'est toi qui mène la danse avec le blind test. Le premier qui a la réponse crie son prénom. Hein. Sinon, c'est perdu. Hein. Tout le monde a bien compris? J'ai l'impression que je les engueule, c'est genre. Allez, go, c'est parti! Fab! Julia! Oh, ok, ça va. Deux garçons contre les deux filles, c'est bon. Fab? Adèle. Someone like you. Bonne réponse. Ok, j'allais dire du titre. Tu veux la descendre aussi? Ça marche, ça fait un point pour les garçons. C'est parti, deuxième son. Ok! Ah, mais en fait, je sais pas qui c'est! Oh, c'est vieux ça! Ah, bah vas-y, Nathalie, si tu sais. Oh là là! C'est Frank Sinatra. Loin de là. Fab. Otis Redding. Hein? C'est qui? Ah moi j'ai pas ça comme titre hein. C'est pas lui? Non. Allez attends, qui est Julien? Deux secondes. Julien, t'as une idée ou pas? Nathalie. Martin Gray. Martin Gray. Non. Martin Gray. Marvin Gray. Non plus. Qui est du standard? Non, c'est Ben E. King. C'est l'original. Oh, on s'en fout, on connaît pas. Bon bah c'est pas grave, c'est reparti, troisième son. Audrey. Ça c'est, je sais ça. Allez s'il vous plaît quoi. Oh, allez, c'est celui qui joue avec le piano et tout. Il fait il est crôlé. Nathalie. Je cherche. Allez vas-y balance. C'est pas Fab. Oh non ça m'énerve. Vas-y. Bruno Mars. Oh ça me saoule. Ça me saoule. Deux points. J'ai pas envie de perdre. Allez vas-y. On reste deux. Allez fais péter. Audrey. Audrey. Someone like you. Non. Loin non. De là. Vas-y. Love me like you do, Ellie Goulding. Bim. C'est la musique de mon film préféré. Someone like you. Bon, alors, le dernier son, c'est juste les auditeurs qui jouent entre eux. On s'en mêle pas, Fab, d'accord? D'accord. Attention, Julien et Nathalie, c'est à vous de jouer. J'entends presque rien. Fais pas genre tu trouves des excuses. Hein. Attention, c'est à vous deux de jouer, c'est parti. Julien. Ah. Vas-y Julien. Whitney Houston. Nathalie, Whitney Houston. Julien dégainé avant. Ouais mais c'est Julien qui l'a dit en premier. C'est la victoire des garçons. Victoire écrasante. Ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais Julien et Fab remportent la partie. Julien tu raccroches pas. On va te filer un chouette cadeau Fun Radio. Nathalie aussi franchement pour le sport. Vous faites des gros bisous à tous les deux. Bonne soirée. Merci. Ah, Fab, qu'est-ce que ça te fait de gagner quelque chose une fois dans ta vie? Mais, cool, mais ça va aller toi. Ça te fait quoi de perdre? T'as la haine hein? Ah franchement je déteste perdre. En plus franchement sur le coup du Someone Like You. Et tes chansons de filles en plus. J'en reviens pas. Bon, rassurez-vous, il y a un vrai professionnel qui arrive dans un instant sur Fun Radio. C'est Dylan pour Fun Radio Connected, la seule émission qui est connectée de partout. On va l'accueillir dans quelques minutes. Ce sera juste après le son de Kid Noise maintenant sur Fun Radio. Something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me. C'est l'Happy Hour sur Fun Radio. Merci d'être là avec le son de Dua Lipa qui arrive sur Fun Radio. Il y aura aussi le tout nouveau, la DJ Snake avec Justin Bieber. Tout ça, ça arrive avant 20h. Et à partir de 20h, bah, c'est Dylan qui prend le contrôle de Fun Radio pour Fun Radio Collected. Oui, avec une demi-voix aujourd'hui. Ah, bah, j'ai pris froid, alors, Audrey. Le pauvre Minou, il a super mal à la gorge. Donc si vous avez des bons plans, là, dites-nous 3044 pour vos messages. Qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai super mal à ma boule. Là. Enfin, ouais. À ta boule à mon ganglion à gauche. Là. Je sais pas ce qui se passe, mais ça me fait super mal. J'ai une idée, mais tu vas pas aimer. Ah, c'est quoi? C'est les coups, ça. C'est ce que je t'aurais proposé si t'avais eu mal à la gorge. Oh. Oh. Fab, non, mais ça pue. Comment ça s'appelle ça, le truc avec les oreilles là? Notite, oui. Ah, ça, c'est vrai. Ouais, exactement. Mais heureusement que je fais pas de la radio. Ouais. Ah, c'est ça. si tu pouvais éviter de nous filer tes trucs, ce serait vraiment cool. Ouais, c'est ça. Bon, à partir de 20h, vous allez pouvoir vous connecter avec Dylan. Et Dylan, en gros, il va lire tous vos messages. Vous allez vous faire un kiff ce soir. Et bien, le principe de l'émission, si vous venez de le découvrir, et bien, soit il a entre 20h et 22h, on est en mode bon délire. Vous tapez vos messages par SMS au 3044 pour 50 centimes par envoi ou via le hashtag. Ça, c'est gratos, c'est pour les radins. Ceux qui veulent pas des 150 cents, hashtag fun collected. Et ce qui est cool, c'est que moi, quand je suis arrivée à l'émission là, à 17h, je t'ai écouté hier et j'ai vérifié. J'ai vérifié, mais comme genre un inspecteur, hein, ça rigole pas. Ouais. Si t'avais lu tous les messages, et alors eh ben, tu les as tous lus. Ah, mais il peut y en avoir 10, 100, 1000. Bon, il y en a pas 1000, il y en a pas 300 non plus, mais voilà. Quand il y a des SMS, non, mais c'est vrai. Quand il y a des SMS, l'émission commence, donc les gens commencent tout doucement à envoyer des messages. Mais je les lis tous, voilà, il n'y a pas de filtre en plus, c'est ça qui est cool dans l'émission. Dites-vous un truc, c'est que s'il n'y a pas d'SMS, il n'y a pas d'émission. Allez-y, à un moment donné, venez, c'est comme quoi. Un peu Party Fun sans DJ, quoi. C'est ça, voilà, donc allez-y, 3044 pour vos messages ou alors direction le Facebook Fun Radio Connected pour être connecté avec Dylan à partir de 20h. Pour aller jusque-là, c'est Dua Lipa, DJ Snake et Justin Bieber. On vous dit à demain, les copains, 17h pour la dernière de la semaine. Bisous. Non, il reste encore vendredi, hein, mais c'est pas grave. On est que mercredi. Oui, c'est ça. Allez, à demain. Bon, allez, à demain. Je pense que tu dois aller dormir. Non, mais ça va, c'est bon. Rencontrez votre DJ Star Fun Radio, David Guetta, lors de son concert le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Toute la semaine, écoutez Fun Radio sans arrêt. Dès que vous entendez deux titres de David Guetta à la suite, c'est le double fun sur Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Double Fun. Soyez le premier à envoyer concert par SMS au 6322. 1€ le message et gagnez vos places pour vous éclater avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio. Les concerts de vos stars préférées, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Fun Radio, c'est ma radio. Le son Dance Floor. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa, je peux prendre ta carte ? Mais dans tes rêves, ma chérie. Vous avez entre 18 et 28 ans, découvrez notre offre Hello for You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix. Accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir. Et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29€ par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330€. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. I'm

to give up.